Pourquoi les sapins sont-ils les arbres de Noël et des pancakes de courge muscade aux épices douces et aux laises ribotes? Écrit par Hélène du Guezouvraz, lu par Armen pour audiocité.net. La bien vieille Mayonne, avec sa robe noire, son sarrau parme et son paletot gris, ses chaussons de feutre et ses bas de laine, c'est toujours tout sur tout, et surtout sur tout ce qu'on ignore. Elle sait aussi répondre à des questions qu'on ne posait pas. Ainsi, ce soir, alors qu'elle tricotait, presque invisible, au coin du feu, et que les petits enfants du Guezou revenaient bruyamment du petit bois après avoir choisi et abattu le sapin en compagnie attentive de leur grand-père, elle a salué avec un grand respect ostensible le sapin nu qui trône désormais non loin de la cheminée. Ce qui n'a pas manqué d'interroger les petites têtes blondes et bouriffées et leurs grands yeux. Savez-vous pourquoi les arbres de Noël sont des sapins et pas des chênes ni des ajoncs ? A-t-elle demandé à la petite classe qui déjà s'installait en tailleur sur l'épais tapis kilim à ses pieds, laissant en plan le panier débordant des guirlandes et des boules étincelantes. Il était une fois, il y a très longtemps, il y a plus de 2000 ans, une nuit éclairée par des millions de jeunes étoiles dissipées, surveillées par la lune blanche. Dans les monts d'Arrée, la neige recouvrait le massif d'un épais manteau blanc et glacé, d'où émergeait l'épaisse forêt. C'était, raconte-t-on, la nuit de la nativité, et tout ce qui vivait et respirait sur terre, dans les eaux comme dans les airs, était saisi, dit-on, du frémissement qui prélude au prodige. À cette époque, l'immense forêt qui recouvrait l'Arrée courait bien au-delà des montagnes, jusqu'à la baie de Morlaix, jusqu'à la rade de Brest, jusqu'à la presqu'île de Crozon et jusqu'à la pointe du Raz-Quimper. Bref, jusqu'au bout du monde connu. Tout n'était que forêt dense et luxuriante. Les arbres dominaient ce monde, et leur très sage et prudente société était très strictement hiérarchisée. Chênes, sages et savants dominaient et régnaient sur ces sujets d'essence moins noble, comme ses fidèles et proches conseillers, châtaigniers, ormes et hêtres, ainsi que la foule de ses sujets, saules, grands pins, sapins, et tous les arbrisseaux, ou aubépines et ajoncs. Cette nuit-là, Chêne, du haut de la clairière de Roquetrévezel, convoqua ses sujets et prit donc naturellement la parole en premier, en souverain avisé. Frères, vous savez ce qui se passe là-bas, bien loin, en Orient. Un événement considérable se déroule, une naissance sublime et magique. Il est de notre devoir d'aller offrir hommage et présent en bon serviteur. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que ce lieu est bien lointain, que la route est semée d'embûches et que le chemin est malaisé pour nos natures fragiles. En souverain, je souhaite ne pas déserter mon royaume, rester donc sur mon trône, et ne m'y rendrai donc point. Toutefois, je vous laisse libre d'y aller en délégation représentant notre monde sylvestre. Le roi a raison, s'empressèrent de renchérir les serviles conseillers, châtaigniers, ormes et hêtres. Oui, opinèrent saules et bouleaux. Il sera difficile pour nos fragiles et petites branches de parcourir ce considérable chemin aux mille dangers. Un grand brouhaha se répandit sur l'arrêt. Frênes et peupliers hochèrent frileusement du bonnet, craignant pour leurs troncs délicats et leurs feuilles tendres, alors que le grand pin se confondait en conjectures. Son indécision versait dans une réserve proche d'un certain immobilisme. Sapin, sur son quant à soi, mais tout de même tenté, pesait soigneusement le pour et le contre, alors que les arbrisseaux secondaires tenaient conciliabule. Où, aubépine et ajon, se serait bien imaginé courir le vaste monde et marcher vers l'Orient, pays de lait et de miel, mais leurs coreligionnaires hostiles s'érigèrent comme la statue du commandeur et découragèrent toute velléité de prendre la route. Ils se rangèrent donc à la raison du plus fort, avec finalement un soulagement à peine dissimulé. À branche levée donc, on vota, et la décision prise de rester sagement dans l'arrêt l'emporta à l'unanimité, avec l'efficacité d'un vote démocratique en Corée du Nord. Au moment où l'assemblée se dispersait, un tout petit, mais vraiment très très petit sapin, venu du petit bois du Guézou, secoua ses aiguilles céladon, tout sauta pour éclaircir son petit brin de voix fluet, et déclara, tentant de couvrir les bruissements de ses aînés qui quittaient la clairière de Roque Trévézel. « Mes camarades du Guézou et moi-même, nous sommes décidés à nous rendre à Bethléem séance tenante. Nous porterons vos présents à l'enfant qui vient de naître. Ceux d'entre vous qui n'ont pas de fruits ou de feuilles à offrir n'auront qu'à donner quelques branches pour réchauffer la crèche. Nous, nous porterons notre parure verte et brillante pour la décorer. Nous offrirons une partie de nos aiguilles pour parfumer le berceau et installer une couchette bien souple et isolante. » Le chêne, excédé car il avait affaire, mit tout de même cette proposition aux voix. Une majorité écrasante de non se dégagea. Quelques indécis parmi les arbrisseaux emboîtèrent le pas d'un citoyen confus, grand pin, qui finalement s'abstinrent alors que le tout petit, vraiment très très petit sapin, levait bravement ses branches souples et parfumées vers le ciel étoilé. On n'était pas plus avancé. À ce moment, un fracas gigantesque déchira la voûte céleste, et une voix tonitruante, celle de l'Éternel, qu'on sentait au bord de l'apoplexie, foudroya l'assemblée sylvestre. « Quelle ingratitude! Quelle déception! Quelle contrariété !» éructa le Très-Haut excédé. « J'attendais bien plus de vous tous que cette indécision crasse, ces excuses délétères et ces prétextes lâches. Toi, chêne, aussi vieux que le monde, tu seras plus durement châtié que les autres en raison de ton rang. Tes branches, jusqu'ici droites et élancées, deviendront à jamais noueuses et torturées, couvertes de lichen et de mousse, encombrées par le gui épiphyte, comme un éternel vieillard cacochyme. Tu te courberas vers le sol, et tes racines noueuses se confondront avec les pierres de l'arrêt. Tes fruits, jusqu'ici si doux, deviendront durs et amers, et nourriront désormais porcs et sangliers. Ormes, châtaigniers et hêtres, vous ne produirez désormais plus que des fruits ridicules, en dépit de votre port altier et de votre taille élancée. Saule, tu vivras désormais les pieds dans l'humidité froide, et tes fleurs seront des chatons ridicules. Quant à toi, bouleau, tu resteras gris et grelottant de froid. Et vous, où, Aubépine et Ajon, vous serez couverts d'épines. Toi, grand pin, tu garderas ton feuillage, mais tu grandiras sans fin jusqu'à te briser avec le vent. » La voix divine et courroucée se tourna vers le tout petit, mais vraiment très très petit sapin qui n'en menait pas large. Le ton s'adoucit et murmura dans un souffle comme une caresse. « Toi, petit sapin, tu auras la sveltesse, la force et la parure éclatante qui te feront dominer le règne végétal. Tu pousseras droit vers le ciel et la lumière. Tous les ans, désormais, tu porteras 1000 lumières, 1000 bijoux étincelants et 1000 guirlandes chatoyantes. Tu parfumeras les maisons. À tes pieds, les enfants trouveront des cadeaux et tu finiras ton existence dans un feu de joie qui réchauffera les corps, les cœurs et la soupe. » Reprenant son souffle, la voix expira sa colère sur la forêt, déshabilla le roc Trévézel et tout l'arrêt, découvrant le granit fauve, le recouvrant d'une lande rase. Seul le petit bois du Gouezou échappa au courroux divin. Puis les cieux déchirés se refermèrent prudemment sur la colère divine, et le calme revint sur l'arrêt, qui resta longtemps silencieusement sous le choc. Depuis ce temps, la montagne d'Arrée est nue, et les petits sapins du Gouezou scintillent dans les maisons du hameau à Noël. Mayonne a repris son tricot qu'elle avait délaissé sur ses maigres genoux. Puis les petits ont dévoré le goûter, de jolis pancakes à la courge muscade, arrosé de miel de Judée, avant que reprenne le grand chantier étincelant autour du petit sapin du Gouezou. Pour une 20aine de pancakes et autant de petits enfants affamés, 270 grammes de courge muscade cuite et mixée en purée fine, 160 grammes de farine, 2 œufs du poulailler, 1 cuillère à soupe de sucre roux, rapadura, muscovado, 1 cuillère à café de levure chimique ou de bicarbonate de sodium, 1/4 cuillère à café d'un mélange à pain d'épices, cannelle, vanille, girofle, badiane, anis vert, cardamome, muscade, 120 g de lait ribote ou de lait fermenté, du miel de Judée pour le service, mais aussi de la confiture, de la compote. Fouettez les blancs en neige ferme. Chauffez le bilic, c'est long, mieux vaut donc s'y prendre à l'avance. Dans la cuve du robot pâtissier, mélangez les jaunes et le sucre jusqu'à simple dissolution du sucre, puis ajoutez la farine avec la levure et les épices. Ajoutez la purée de potimarron, puis le lait, et mélangez pas trop pour obtenir une sorte de pâte fluide. Incorporez alors délicatement les blancs en neige, de manière à obtenir une pâte mousseuse et légère. Graissez la surface du bilic à l'aide du lardéguel huilé ou d'un sopalin imbibé d'huile. À l'aide d'une cuillère ou d'une petite louche, versez de la pâte sur la plaque en forme de disque. Laissez cuire 1 à 2 minutes par face. Le pancake doit dorer et se détacher facilement. Placez les pancakes dans un joli plat en pile gourmande et servir avec 1000 gourmandises à tartiner, miel, confitures et compotes.